À l'occasion du 72e anniversaire de la libération de la Corée, ont eu lieu des séminaires sur les exploits des grands hommes coréens, expositions de livres et de photos et séances de films en Inde, au Bangladesh et en Ouganda. Dans les salles de cérémonie, il y avait les photos sur la vie et les exploits révolutionnaires du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, ainsi que celles montrant les activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y étaient exhibés aussi les livres présentant les exploits immortels des grands hommes Baek-doo-san, les photos sur les succès du peuple coréen dans l'édification d'une puissance socialiste. Lors des séances de films, on a projeté les documentaires coréens comme « Crime ineffaçable du Japon ».